الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ceci est une traduction concernant la problématique de Al-Hukm bi ghayri ma anzal Allah. Elle expose les formes que peut prendre le jugement parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Et pour ce, nous nous référons à un livre de Cheikh Abi Abd al-Rahman Bandar bin Naif al-Mhayani al-Utaybi waffaqahu Allah, intitulé Al-Hukm bi ghayri ma anzal Allah, مناقشة تأصيلية علمية هادئة ويليه التحرير في مسألة التكفير وهي الفتوى المتأخرة للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Pour cela, le Cheikh avait commencé par rappeler certaines règles. Nous en citons quelques-unes. La première règle, juger parce qu'Allah avait fait descendre est une obligation pour tout musulman. Al-Hukm bima anzal Allah Fardu aynin ala kulli muslim. Et cela contient six fondements. 1. L'obligation de juger par la sharia. Wujubul hukmi bi shar'illah. 2. L'obligation de recourir à la sharia d'Allah pour trancher les différends tout en acceptant et tout en se soumettant à ses jugements subhanahu wa ta'ala. Wujubul tahakumi ila shar'illah. Ma'arrida wa taslimi li shari'ati. 3. La menace contre celui qui ne juge pas par la loi d'Allah Ta'ala. Al-wa'id liman lam yahkum bi shar'i Allah Ta'ala. 4. La précaution et l'avertissement de déroger à l'ordre d'Allah Ta'ala et à l'ordre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadharu min mukhalafati amri Allah Ta'ala wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. 5. Le jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est le meilleur des jugements. Hukmullahi tabaraka wa ta'ala ahsanul ahkam. Sixièmement, ce qui émane d'Allah comme jugement légiféré est un esprit et une lumière. Ma ja'a min ahkamin shar'iyyah anillahi ta'ala fa huwa ruhun wa nur. Ceci était donc la première règle. Je la rappelle, juger par ce qu'Allah avait fait descendre est une obligation pour tout musulman. La deuxième règle maintenant. Commettre un acte de mécréance n'implique pas de rendre cette personne mécréante. وقوع المرء في شيء من المكفرات لا يلزم منه كفره. Donc je rappelle cette règle. Commettre un acte de mécréance n'implique pas de rendre cette personne mécréante. Car déclarer un individu précis comme mécréant passe par la condition de iqamat al-hujja, établir la preuve. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit: wa laysa li ahadin an yukaffira ahadan min al-muslimin wa in akhta'a wa ghalat hatta tuqama alayhi al-hujja wa tubayyana lahu al-mahajja wa man thabata islamuhu bi yaqin lam yazul anhu dhalika أو لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. الفتاوى المجلد الثاني عشر الصفحة 466. Traduction de cette citation du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il avait dit: personne n'a le droit de rendre un musulman mécréant même s'il pêche et commet une erreur avant d'établir la preuve sur cette personne et que le vrai lui soit clarifié. Et quiconque est devenu musulman avec certitude, on ne le prive pas de l'islam pour un soupçon, pour un doute. On ne l'en prive qu'après avoir établi la preuve et dissipé l'ambiguïté. Fin de citation. Établir la preuve signifie de s'assurer de la présence des conditions de takfir précis, de takfir al-mu'ayyan, de takfir précis dans le cas de telle personne, comme les conditions suivantes. La science, c'est-à-dire que ce n'est pas un ignorant, et comme aussi la condition de l'intention, c'est-à-dire qu'il avait fait tel acte intentionnellement, et non pas par erreur, est comme la condition qui est le choix délibéré, al-qasd, le choix délibéré, non pas sous la contrainte, le choix délibéré, et comme l'absence de toute interprétation, plausible, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce qu'on appelle al-ta'wil al-sa'ir, toute interprétation plausible, non pas n'importe quelle interprétation catégoriquement inacceptable. C'était donc la deuxième règle. Maintenant, la troisième règle, en prélude des modalités de Al-Hukm bi-Ghayri ma anzalallah. La troisième règle, en cas de mécréance majeure d'un gouverneur, cela n'impliquerait pas la permission de passer à la rébellion, à Al-Khuruj. Kufr al-Hakim, la yalzamu minhu, jawaz al-Khuruj alayh. Car Al-Khuruj est précédé de cinq conditions. 1. Qu'il ait commis un acte de mécréance majeure sur lequel nous avons un argument et une preuve d'Allah Ta'ala. 2. L'établissement de la preuve sur lui, iqamat al-hujjati alayh. 3. Pouvoir l'évincer, al-qudratu ala izalati. Pouvoir l'évincer sans grand dégât. القدرة على إزالته دون مفسدة تتجاوز مفسدة بقائه. 4. Avoir la possibilité d'instituer un musulman à sa place. القدرة على تنصيب مسلم مكانه. 5. Que ce khuruj, cette rébellion, ne génère pas des conséquences négatives pour les musulmans, conséquences qui dépasseraient les dégâts de sa présence. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. المصدر الصارم المسلول. Le deuxième volume, page 414. C'est une citation très importante et je la répète. Il avait dit, voici le texte en arabe toujours: فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هُوَ فِيهَا مُصَّدْعَفٌ. C'est le cas des étrangers, par exemple. C'est le cas de nos frères qui vivent en terre de mécréance. فَمَنْ كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَرْضٍ هُوَ فِيهَا مُصَّدْعَفٌ أَوْ فِي وَقْتٍ هُوَ فِيهِ مُصَّدْعَفٌ فَلْيَعْمَلْ بِآيَةِ الصَّبْرِ وَالصَّفْحِ عَمَّنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ مَنْ يُؤْذِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ من الذين أوتوا الكتاب والمشركين وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Traduction de cette parole vraiment importante de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Il avait dit: celui parmi les croyants qui se trouve en une terre où il est faible, ou en une époque où il est pris pour un faible, il convient qu'il œuvre avec le verset de l'endurance. Le verset de l'endurance, ayat as-sabr, le verset de l'endurance et de l'excuse vis-à-vis de celui qui s'attaque à Allah et à son messager, parmi ceux ayant détenu le livre et parmi les associateurs. Tandis que pour les gens de la force, ils n'ont de choix que d'œuvrer avec le verset de combattre les imams de la mécréance qui détraquent la religion, ainsi qu'avec le verset de combattre ceux ayant reçu le livre jusqu'à ce qu'ils donnent un jizya, la capitation, tout en étant soumis. Fin de sa citation. Et bien sûr, pour le deuxième cas, pour le cas de la force, on n'œuvre pas n'importe comment, mais sous la direction du gouverneur musulman. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, rappela dans les Fatawa, dans le volume 8, la page 203, il rappela cette règle. Voici le texte en arabe. « La yajuzu izalatu sharri bima huwa asharru minhu, bel yajibu dar'u sharri bima yuziluhu aw yukhaffifuhu. Amma dar'u sharri bi sharrin aktara, fala yajuzu bi ijma'i al-muslimin. » Voici un consensus. Il dit, rahimahullah, il n'est pas permis de repousser un mal par un mal plus grand. Il faut repousser le mal par ce qui l'anéantit ou le réduit. Repousser le mal par un mal plus grand et illicite à l'unanimité des musulmans. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est un consensus. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a une parole similaire dans la série intitulée « Al-Bab al-Maftouh », volume numéro 3, page 126, séance numéro 51, question numéro 1222. C'était la troisième règle. Maintenant, la quatrième règle. الأصل في الأعمال المخالفة للشرع عدم التكفير والتكفير طارئ على هذا الأصل وناقل عنه. La règle de base dans les actes déviants à la charia et qui ne sont pas considérés comme relevant de la mécréance. Le takfir, rendre mécréant, le takfir vient après pour changer ce statut de base, cette règle de base. Ce asl. Donc, celui qui veut considérer un acte interdit comme étant un acte de mécréance doit fournir la preuve comme quoi tel acte est kofr et non pas seulement interdit, comme quoi tel acte est kofr. Et celui qui ne considère pas tel acte comme relevant de la mécréance a comme argument cette règle de base. Et c'est bien lui qui demande aux autres le délit, l'argument. Non pas qu'on lui demande davantage. Et c'est tout comme le chapitre de la purification. Ibn al-Munzir, rahimahullah ta'ala, avait dit, si un homme s'est purifié, il détient cet état de purification, sauf s'il y a un argument attestant de l'annulation de celle-ci, c'est-à-dire de la purification. Si un homme s'est purifié, il détient cet état de purification, sauf s'il y a un argument attestant de l'annulation de celle-ci. Fin de la citation. Les savants de l'islam se sont arrêtés sur le fait de dire que l'état des ablutions est annulé, sauf preuve à l'appui. Et a fortiori, l'on doit nous arrêter nettement sur le cas de l'annulation de l'islam d'une personne, à moins d'une certitude, d'un argument très fort, clair, à moins d'une certitude. L'état de base dans la question de juger, parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, l'état de base est que ce n'est pas un acte de mécréance. Et c'est à celui qui considère l'un de ces aspects comme relevant de la mécréance, c'est à lui de fournir le délit, l'argument. Et c'était la quatrième règle. Maintenant passons à la cinquième règle. Mas'alatul hukmi bima anzal Allah la tahtassu bi ahadin duna ahad. Juger parce qu'Allah avait fait descendre ne concerne pas qu'une personne particulière, mais tout le monde. Et cette règle recoupe la première. Juger parce qu'Allah avait fait descendre ne concerne pas une personne particulière, mais elle concerne tout le monde. Donc ce jugement ne concerne pas que le juge al-qadi ou l'émir al-amir ou le gouverneur suprême, Al-Hakim Al-A'la. Non, le jugement concerne chacun qui juge entre deux personnes. Donc, celui qui s'acharne à rendre mécréant pour une forme de jugement, doit appliquer son verdict et sa règle, doit appliquer son verdict sur toutes les catégories des juges, même s'ils ne sont pas qudat, ou umara, ou hukam. Maintenant, passons à un autre point. At-tafsilu fi mas'alati al-hukm bighayri ma anzala Allah. Le détail des formes de jugement, parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Al-halatu al-ula, al-istihlal. Le premier cas parmi 9 cas que nous allons voir avec le Cheikh. Al-halatu al-ula, al-istihlal. Le premier cas, celui de al-istihlal, c'est-à-dire se permettre cela, penser que cela, c'est-à-dire juger par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre, considérer cela comme étant licite, permis, halal. Dans ce cas, le juge croit que gouverner par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre, il croit que ces choses licites, que ces choses permises. Ceci est une forme de mécréance majeure à l'unanimité. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, avait dit, وَالْإِنسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله صدير البرصي. Quand on le prend en apparence, on l'applique sur Al-Mustahil. Al-Masdar, Al-Fatawa, Al-Mujallad Al-Thalith, Al-Safha, 267. Traduction de la parole de Cheikh Al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il avait dit, l'homme, s'il rend licite ce qui est illicite à l'unanimité, ou bien le contraire, c'est-à-dire, s'il rend illicite ce qui est licite à l'unanimité, ou bien encore, s'il transforme la charia sur laquelle il y a unanimité, il serait donc mécréant, apostat à l'unanimité des fuqaha, des jurisconsultes. Et c'est dans ce sens qu'avait été révélée la parole d'Allah selon l'une des deux opinions, selon l'un des deux avis, à savoir le verset, traduction du sens du verset, et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. C'est-à-dire que c'est le cas de Al-Mustahil. Celui qui juge ainsi et il est Mustahil. Al-Mustahil de juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Celui qui considère que c'est licite de juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Fin de citation. Il y a lieu de faire remarquer, relativement à ce premier cas, al-halal ou al-istihlal, relativement à ce premier cas, quelques remarques. Que tel acteur serait mécréant du fait de al-istihlal, même s'il ne passe pas à l'acte. Deuxième remarque. Al-istihlal est une question relative au cœur. On ne connaît l'istihlal. On ne le connaît qu'à travers la déclaration orale ou écrite. Troisième remarque. Il ne faut absolument pas confondre entre al-istihlal al-amali au niveau des actes et al-istihlal al-qalbi et c'est l'istihlal al-qalbi qui est mukaffir, qui rend mécréant. Et al-istihlal al-qalbi qui concerne le cœur, qui concerne la aqida, la croyance. C'était ce qui concerne le premier cas de figure de Al-Hukm bighayri ma anzalallah. Passons maintenant au deuxième cas. Al-Halatu Thaniya, Al-Juhud. Le deuxième cas, celui du reniement. C'est-à-dire celui qui juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre pour renier et occulter le jugement d'Allah. Ce cas relève de la mécréance majeure à l'unanimité. Car renier un aspect de ce qu'Allah avait fait descendre, de ce qu'Allah avait révélé comme religion, relève de la mécréance majeure. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait dit, وهكذا الحكم في من جحد شيئا مما أوجبه الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام بإجماع أهل العلم الفتاوى المجلد السابع الصفحة 78. Traduction de la parole de l'imam Ibn Baz rahimahullah. Il avait dit: il y va ainsi de tout un chacun qui renie quelque chose de ce qu'Allah avait rendu obligatoire, il serait mécréant, apostat par rapport à l'islam, à l'unanimité des gens de science. Fin de citation. Remarque, il mécroit, même s'il n'exerce pas et ne pratique pas le jugement, parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, parce qu'Allah n'avait pas rendu jugement. Il devient mécréant du simple fait qu'il avait renié par Al-Juhud. Et Al-Juhud, le reniement, concerne le cœur. Il consiste à afficher qu'on dément en apparence, fil-zahir, alors que dans son fort intérieur, fil-batin, il sait et reconnaît, comme Allah avait fait savoir au sujet de Pharaon et ses suppôts. Allah Azza wa Jal avait dit: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Traduction du sens du verset: ils les nièrent, c'est-à-dire ils nièrent les signes d'Allah. Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Surat An-Naml, les fourmis, verset numéro 14. Al-Raghib al-Asfahani, rahimahullah, avait expliqué Al-Juhud ainsi. Il avait dit: Nafyu ma fi al-qalb ithbatuhu, wa ithbatu ma fi al-qalb nafyuhu. Unzur al-mufradat al-safha 95. Traduction. C'est-à-dire que cela, c'est-à-dire Al-Juhud, consiste à renier ce que le cœur atteste, ou le contraire, attester ce que le cœur renie. Et puisque cela, c'est-à-dire Al-Juhud, concerne le cœur, on ne peut y statuer que s'il y a une déclaration orale ou écrite. Tout comme dans le cas de Al-Istihlal. Passons maintenant au troisième cas de figure, Al-Halatu Thalitha, Al-Takzib, le troisième cas, celui du démenti. C'est-à-dire juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre tout en démentant le jugement d'Allah. Cela relève de la mécréance majeure. Car les gens de la Sunna sont unanimes sur la mécréance de celui qui dément Allah ou son messager. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit: فَكُلُّ مُكَذِّبٍ لِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ فَهُوَ كَافِرٌ. انظر الفتاوى المجلد الثاني الصفحة 79. Traduction. Tout un chacun qui dément ce que les messagers avaient apporté est donc mécréant. Fin de citation. Remarque. Ce cas est mécréant même s'il ne passe pas à l'acte, c'est-à-dire il ne passe pas encore à l'acte de juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Deuxième remarque. At-takzib consiste à démentir en apparence et à croire aussi que c'est un mensonge. Intérieurement, croire aussi. Et c'est par cela que At-Takzib se diffère par rapport, ou bien diffère par rapport à Al-Juhud. Donc, cela relève du cœur. Toujours, cela relève, ainsi que Al-Juhud, At-Takzib, il relève aussi du cœur. Et on ne saurait le savoir, on ne saurait le connaître, on ne saurait le savoir que par la déclaration. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avait dit: فَأَمَّا كُفْرُ التَّكْذِيبِ فَهُوَ اعْتِقَادُ كَذِبِ الرَّسُلِ. مدارج السالكين المجلد الأول الصفحة 346. Traduction de la parole de Ibn al-Qayyim. La mécréance de démenti, كفر التكذيب, consiste à croire que les messagers auraient menti. Fin de citation. Passons maintenant au quatrième cas de figure. الحالة الرابعة التفضيل, Le quatrième cas, le fait de préférer le jugement par les lois sur le jugement d'Allah Azza wa Jal. Ceci est une mécréance majeure, car Allah Azza wa Jal dit « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ » Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens ayant une foi ferme? Remarque, ce cas, c'est-à-dire le cas de Al-Mufaddil, ce cas mécroît aussi, même s'il n'exerce pas le jugement parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Deuxième remarque, la préférence ou la prédilection concerne le cœur également. Partant, on ne la connaît que moyennant une déclaration orale ou écrite. Passons maintenant au cinquième cas de figure, al-halatul khamisa, al-taswiya. Le cinquième cas, croire à l'égalité ou à l'équivalence entre le jugement d'Allah et celui des hommes. Cela relève bien sûr de la mécréance majeure à l'unanimité des savants pour le verset précédent. Le verset où Allah azzawajal dit « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ » Passons maintenant au sixième cas de figure. Al-halatu sadisa, al-tabdil. Le sixième cas, juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre et l'imputer à la sharia d'Allah. C'est ça le tabdil. C'est un cas de mécréance majeure à l'unanimité. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, avait dit, وَالْإِنسَانُ مَتَى حَلَّلَ الْحَرَامَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء الفتاوى المجلد الثالث الصفحة 267. Traduction du segment qui concerne ce cas. Celui qui fait le tabdil de la sharia, le tabdil, modifier la sharia sur laquelle il y a consensus, celui qui fait le tabdil contracte ainsi la mécréance et l'apostasie à l'unanimité des fuqaha, à l'unanimité des savants. Mais il y a là une condition qui échappe à beaucoup de jeunes et à beaucoup de gens, celle d'imputer le nouveau jugement à Allah, nasabahu ila Allah azza wa jalla. قال ابن العربي رحمه الله ابن العربي المالكي الفقيه السلفي et non pas ابن عربي النكرة ابن عربي qui est un soufi et qui est mécréant d'ailleurs, qui a des livres dans la mécréance, qui a fait des livres, qui a composé des livres pour prêcher la mécréance. قال ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى ونقله الشنقيطي عن القرطبي مقرا له قال إن حكم بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر أحكام القرآن المجلد الثاني الصفحة 625 وأيضا في أضواء البيان للشنقيطي المجلد الأول الصفحة 407. Traduction. Ibn al-Arabi avait dit, et Shinqiti l'avait rapporté de Al-Qurtubi, tout en y consentant. Il dit, Ibn al-Arabi, Al-Maliki avait dit, s'il juge de son propre jugement et l'impute à Allah, ceci est tabdil, transformation, et il implique la mécréance. Et Ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit, الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع فمن قال إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. Il dit, traduction de cette citation, الشرع المبدل, la législation transformée et qu'on impute à Allah, al-shara al-mubaddal, et le fait de mentir au sujet d'Allah et son messager, au sujet des gens, par le faux témoignage et les choses analogues, aussi que par l'injustice manifeste. Celui qui dit, ceci même relève de la sharia d'Allah, mécroît incontestablement. Notez bien, il faut distinguer cette forme d'avec l'injustice pure et simple, sans prétendre que tel jugement serait le jugement d'Allah Azza wa Jal, comme on distingue entre l'injustice et entre la mécréance. Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, avait dit, وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. التمهيد المجلد السادس عشر الصفحة 358. Traduction. Les savants sont unanimes que l'abus dans le jugement exprès relève des grands péchés, ne relève pas de la mécréance, relève des grands péchés, c'est-à-dire l'abus, qu'il faut distinguer avec At-Tabdil, qui est une autre chose, c'est le fait d'imputer le nouveau jugement fait par les hommes, le fait de l'imputer à Allah Azza wa Jal. Notez bien, il ne faut pas confondre entre les deux formes de At-Tabdil et de Al-Istibdal. Et Ibn Hazm, rahimahullah, avait dit, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَلْيُلْزَمِ الْمُعْتَزِلَةَ أَنْ يُصَرِّحُوا بِكُفْرِ كُلِّ عَاصٍ وَظَالِمٍ وَفَاسِقٍ لِأَنَّ كُلَّ عَامِلٍ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لِأَنَّ كُلَّ عَامِلٍ بِالْمَعْصِيَةِ فلم يحكم بما أنزل الله. الفصل المجلد الثالث الصفحة 278. Traduction de la parole d'Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Il avait dit, Allah le sublime avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Et Allah l'exalté avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les injustes. Et Allah l'exalté avait dit aussi, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les pervers. De ce fait, les Mu'tazilites devront déclarer mécréants tout désobéissant, tout injuste ou tout pervers, étant donné que chacun qui commet un péché n'avait pas jugé par ce qu'Allah avait fait descendre. Fin de citation. Et les savants citent comme exemple de At-Tabdil l'histoire des Juifs qui s'abstenèrent d'appliquer la sentence de la lapidation sur un fornicateur à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le messager d'Allah azza wa jal, quand le messager sallallahu alayhi wa sallam leur demanda quel jugement ils trouvaient dans la Torah, dans At-Tawrat, dans la Bible, relativement à ce péché qui est la fornication, ils prétendirent que ce n'était pas la lapidation, ar-rajm, que ce n'était pas la lapidation, mais le fait de lui noircir le visage au charbon, at-tahmim. Et ils imputèrent cela à la religion d'Allah. Voilà pourquoi ils ont contracté ainsi une forme de mécréance aussi, ainsi que les autres mécréances qu'ils ont. Et cela est bien At-Tabdil, le fait de l'imputer à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et cela est bien At-Tabdil, non pas le simple changement, qui est un crime aussi, mais ajouter à cela le fait de prétendre qu'il relève de la religion d'Allah et autre chose, et qui est At-Tabdil, et qui est une forme de mécréance, non pas seulement un péché comme Al-Istibdal. Passons maintenant au septième cas de figure, الحالة السابعة الاستبدال le septième cas الاستبدال le changement consistant à remplacer le jugement d'Allah par celui d'un autre mais sans prétendre qu'il émane d'Allah. Ceci est un péché majeur, كبيرة من كبائر الذنوب, une mécréance mineure, كفر أصغر. Donc nous avons terminé avec les six cas de mécréance et maintenant on entre dans trois cas qui sont des cas de mécréance mineure, de péché majeur. Et le premier cas donc est l'istibdal, s'appelle al-istibdal. Ceci est un péché majeur. Kabiratun min kaba'ir adh-dhunub. C'est une mécréance mineure, kufr asghar, une mécréance mineure. Ceci en vertu du consensus précité sur la non-mécréance de celui qui abuse dans le jugement. Le cas de al-ja'ir fil hukm. Celui qui abuse dans le jugement, qui commet ainsi un grand péché, non pas un acte de mécréance. Consensus qui fut rapporté par Ibn Abbar dans At-Tamhid. قال القرطبي رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم فيه. المصدر المفهم المجلد الخامس الصفحة 117. القرطبي avait dit: Et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Ceux qui rendent mécréants à cause des péchés, comme le font les Khawarij, usent de ce texte comme argument, alors qu'ils n'ont là aucune preuve. Par exemple, Abu Usama al-Asimi, il rend mécréant par le péché de juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, sans détailler, sans tafsil. Il juge que du simple fait de juger parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, il juge lui que c'est un acte de mécréance. Et là, c'est un jugement de sa part parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Donc, et celui qui rend mécréant par la forme de al-istibdal doit nécessairement rendre mécréant aussi par tout autre péché, puisque tout pécheur juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, et il juge par sa passion ou sous l'insufflation du diable. Le pécheur remplace le jugement et l'ordre d'Allah, et il est par là mécréant chez les Khawarij et chez les Haddadiyya Takfiriyya. Et il n'y a pas de différence dans le jugement, dans Al-Hukm, entre celui qui remplace le tout et celui qui remplace une partie. Les deux sont des pécheurs, non pas des mécréants. La différence se trouve ici dans la gravité du crime, au vu de sa répétition et de sa quantité. Mais ceci ne fait pas du péché ou du crime qu'il va devenir du genre ou du type de la mécréance à cause de sa répétition. Si on veut considérer que transformer le tout serait une mécréance, nous demandons, nous posons cette question: quel serait le jugement sur le fait de remplacer le un quart, ou bien de remplacer la moitié, ou de remplacer les trois quarts de la législation? En fait, il n'y a pas d'argument pour distinguer entre le jugement sur le tout et le jugement sur la partie. Il ne faut pas distinguer en termes de tout et de partie, mais en termes de l'acte lui-même. Est-ce que c'est de la mécréance ou bien est-ce que c'est un péché majeur? Passons maintenant au huitième cas de figure. Al-Haltu Thamina al-Taqmin. Le huitième cas de figure jugé par une loi qu'il avait forgée lui-même. Le jugement sur cela est que c'est un péché majeur, une mécréance mineure, car il n'y a pas de preuve dans la charia pour appeler mécréant celui qui juge par une loi qu'il invente ou forge par lui-même. La charia ne relie pas ce jugement à la source, à la source de la nouvelle loi. Ce qui déplace du péché à la mécréance est la condition de al-istihlal, considéré ici qu'il serait licite d'inventer ce genre de loi aux hommes. S'il considère que c'est licite, ça c'est al-sihlal, et donc là c'est un acte de mécréance majeure. De même que pour celui qui peint, ou celui qui dessine des créatures ayant une âme, Allah Ta'ala avait dit dans un hadith Qudsi, à propos de ce genre de peintre ou de dessinateur, il avait dit, Allah Azza wa Jal, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُكَ خَلْقِي. Hadith qui se trouve chez Al-Bukhari et Muslim. Traduction du sens du hadith. Et qui fait un abus, un crime, plus grand que celui qui est allé créer comme ma création, ou comme ma créature. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, informa aussi, أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. Un hadith également chez Al-Bukhari et Muslim. Les gens les plus suppliciés, les plus châtiés, le jour de résurrection, sont ceux-là qui imitèrent la création d'Allah. Fin du sens du hadith. Et il est bien connu que ce genre de at-taswir, de dessin, de peinture, relève des grands péchés, non pas de al-kufr, non pas de la mécréance, sauf s'il est accompagné de al-istihlal, croire que tel péché est halal, licite, permis. C'est cela qui fait basculer dans la mécréance. Et al-istihlal n'est connaissable qu'à travers une déclaration explicite, non pas par le simple acte. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, avait dit, فَإِذَا سَنَّ قَانُونًا يَتَضَمَّنُوا أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الزَّانِي أَوْ لَا حَدَّ عَلَى السَّارِقِ etc. فَهَذَا قَانُونٌ بَاطِلٌ وَإِذَا اسْتَحَلَّهُ الْوَالِي كَفَرٌ. Vers la fin, qu'est-ce qu'il a dit? وَإِذَا اسْتَحَلَّهُ الْوَالِي كَفَرٌ. Avec cette condition de l'istihlal. Al-Fatawa al-Mujallad al-Sabi' al-Safha 124. Traduction de la parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. S'il forge une loi stipulant d'annuler la peine de fornicateur ou la peine sur le voleur, ceci est une loi nulle et fausse. Et si le gouverneur vient à se la permettre, s'il vient avec cette condition, avec ceci, cette condition, et si le gouverneur vient à se la permettre, alors il mécroit. Et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmallah, avait dit, الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج من الملة لكنه كفر عملي أي أصغر لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح ولا يفرق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيا من قبل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشئ قانونا ويضع هذا القانون الوضعي إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي أم لا؟ الحاشية رقم واحد من التعليق على فتنة التكفير للإمام الألباني. Traduction de cette parole de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Juger par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre n'est pas une mécréance qui peut sortir de religion, mais c'est une mécréance d'axe, kofra amali, une mécréance mineure. Car le juge aurait ainsi dévié du droit chemin. Et l'on ne distingue pas entre un homme qui prend une loi de chez un autre et qui l'applique dans son état, et entre celui qui invente lui-même cette loi, la pose et l'impose. Car ce qui est important ici est de savoir que telle loi contredit la loi céleste ou non. Note du traducteur. Il y a des lois qui ne contredisent pas par elles-mêmes la loi divine qui est la charia, comme le code routier, le règlement concernant le code du travail, ou les administrations, ou les études, s'ils ne contredisent bien sûr pas la charia d'Allah Azza wa Jal. Passons maintenant à la neuvième situation et au neuvième cas de figure, al-halatu at-tasi'a at-tashri'u al-'am. Le neuvième cas de figure, le fait de généraliser une loi sur tout le pays, sur tous les sujets. Ce cas relève de la mécréance mineure, car il n'y a pas de preuve pour considérer celui qui impose une loi ou bien la généralise comme ayant contracté la mécréance majeure. Il n'y a pas une preuve. Certes, généraliser ou imposer à beaucoup d'hommes augmente la gravité et le degré du crime, mais ne déplace pas vers la mécréance majeure. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimallah, avait une fatwa où il considérait ce cas de At-Tashri' al-Am, il considérait ce cas comme relevant de la mécréance majeure. Mais il est revenu de cet avis, rahimallah, et il émit une fatwa corrective. Voici des extraits de la première fatwa qui montre qu'il considérait At-Tashri' al-Am comme impliquant la mécréance al-Kufr. Il dit, rahimahullah, « ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق إذ من المعلوم بالضرورة بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. الفتاوى المجلد الثاني الصفحة 143. Jusqu'à ce qu'il dit, rahimallah, « لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه أو شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد. الفتاوى المجلد الثاني الصفحة 143. Traduction. Et parmi ceux-ci figurent ceux qui forgent des législations, des lois contredisant la législation islamique, pour qu'elle devienne un mode que les hommes empruntent et suivent. Ils n'ont pas posé ces lois contredisant la charia islamique qu'en croyant qu'elles soient meilleures et plus utiles pour les créatures, car il est connu de par la raison et la nature de l'homme que celui-ci, que l'homme ne délaisse une voie pour une autre la contredisant, que tout en croyant la primauté, la supériorité de ce qu'il élit, de ce qu'il choisit, et l'infériorité, le manque de ce qu'il délaissa, jusqu'à ce qu'il dit, rahimallah, car ce législateur, ayant posé une législation contredisant l'islam, il ne l'avait instaurée que parce qu'il croit qu'elle serait meilleure que l'islam, et plus utile pour les serviteurs. Lisons maintenant la fatwa qui marque le retour du Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin rahimallah sur cet avis que nous venons de traduire. Elle date du mardi 22 Rabi' 1420. Il dit rahimallah: Amma fi ma yata'allaq bil hukm bighayri ma anzal Allah fa huwa fil kitab al aziz yanqasim ila thalath aqsam: kufr wa zulm wa fisq على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم، أي الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر ولكنه بين فاسق وظالم. وأما إذا كان يشرع حكما عاما، أي التشريع العام، وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه، فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا، فيحصل بذلك المخالفة. وإذا كان يعلم الشرع، أي الحاكم يعلم الشرع، ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه، يعتقد أنه ظالم في ذلك، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. Regardez comment ce savant il s'arrête ici et il ne veut pas donc dire des choses sur lesquelles Allah Azza wa Jal l'interrogera le jour du jugement dernier. Regardez ce qu'il avait dit: فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله عز وجل، فإن هذا كافر، لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. المائدة الآية الخمسون. Traduction de la parole où il y a le retour de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Voici l'extrait en question. Pour ce qui est du jugement parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, il se subdivise dans le noble livre en trois catégories: mécréance, injustice et perversité, selon les causes engendrant ce jugement, c'est-à-dire le jugement parce qu'Allah n'avait pas fait descendre. Voici le premier cas. Si l'homme juge parce qu'Allah n'avait pas fait descendre, suivant en cela sa passion, tout en sachant que le vrai réside dans ce qu'Allah avait fait descendre, avait décrété et légiféré, cet homme ne mécroit pas, mais il est entre pervers et injuste. Et s'il légifère une loi générale, une législation générale qui oblige tout l'État, et s'il légifère une loi générale que toute sa communauté devrait suivre, qu'il voit que cela relève de l'intérêt et qu'il a été trompé sur ce plan, il ne mécroit pas non plus, car plusieurs gouverneurs ont de l'ignorance en ce qui concerne la science légiférée. ils sont en contact avec des gens qui ne connaissent pas non plus le jugement légiféré. Or, eux, c'est-à-dire les gouverneurs, pensent qu'un tel conseiller, un tel prêcheur, serait un grand savant. Ainsi l'erreur se produit-elle. Et s'il, c'est-à-dire le gouverneur, et s'il connaissait la charia, mais il jugeait par cette loi, par la loi humaine, par cette loi, ou qu'il légifère cela, et leur rend une constitution que les gens doivent suivre, tout en croyant qu'il est injuste en cela, et que le vrai réside dans ce qui est venu dans le livre et la sunna. Donc, nous ne pouvons pas rendre cet homme mécréant. Regardez ce que Ibn Uthaymin dit ici. Donc, conclusion, donc, nous ne pouvons pas rendre cet homme mécréant. Celui que nous déclarons mécréant est bien celui-là qui considère que le jugement d'un autre qu'Allah serait meilleur pour les hommes ou tout au moins égal à celui d'Allah. Cet homme est mécréant car il dément la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, traduction du sens du verset. Allah n'est-il pas le plus sage des juges, surat At-Tin, le figuier, verset numéro 8. Et sa parole, Azza wa Jal, est-ce donc le jugement de l'air d'ignorance, al-jahiliya? Est-ce donc le jugement de l'air de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens ayant une foi ferme? Surat Al-Ma'ida, verset numéro 50. La table servie, verset numéro 50. Fin donc de la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et nous rappelons aussi que nous avons traduit dans un document précédent intitulé Aqwal al-ulama salafiyin fi hukm man hakama al-qawanin. Les paroles des gens de science salafi quant au statut de celui qui juge par les lois. Nous y avons rappelé le retour cette fois de Cheikh Mohammed bin Ibrahim al-Sheikh rahimahullah ta'ala qui était mufti sur l'état d'Arabie Saoudite. Nous y avons rappelé le retour de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah sur les propos de son épître célèbre intitulé Risalatu Tahkim al-Qawanin. Le retour du Cheikh s'est fait par une fatwa à une association indienne. Donc on peut revenir à notre document pour réécouter le retour du Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahimahullah ta'ala. Et nous ajoutons aux fatwas précédentes du comité permanent, parce que nous avons déjà aussi rappelé des fatwas du comité permanent, nous ajoutons cette fois deux autres fatwas du comité permanent, du comité permanent de la recherche scientifique et de l'IFTA, Al-Lajna Da'ima lil-Buhuth al-Ilmiya wal-Ifta bil-Mamlaka al-Arabiya al-Saoudiya. Nous ajoutons ici deux fatwas importantes. La première fatwa. Lisons d'abord le texte en arabe. Al-Su'al. متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز وما نوع التكفير المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الجواب أما قولك متى يجوز التكفير ومتى لا يجوز فنرى أن تبين لنا الأمور التي أشكلت عليك حتى نبين لك الحكم فيها أما نوع التكفير في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فهو كفر أكبر. Donc là, si on prend le verset dans son sens apparent et on l'applique sur al-mustahil, c'est une mécréance majeure. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك كافرون فهو كفر أكبر. قال القرطبي في تفسيره. قال ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كافر انتهى وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أنه عاص لله لكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله ما يدفع إليه من الرشوة أو غير هذا أو عداوته للمحكوم عليه أو قرابته أو صداقته للمحكوم له ونحو ذلك فهذا لا يكون كفره أكبر بل يكون عاصيا وقد وقع في كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الثاني الصفحة 141 الرئيس عبد العزيز بن باز نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن غديان عضوا وعبد الله بن قعود عضوا أيضا. Traduction maintenant de cette fatwa. La question: quand le takfir est-il permis et quand est-il illicite? Et quel est le genre de takfir cité dans la parole d'Allah Ta'ala? Et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. La réponse de Al-Lajna Da'ima. Quant à ta parole, quand le takfir est-il permis et quand est-il illicite, nous recommandons que tu exposes les choses qui te posent problème afin que nous clarifions le jugement les concernant. Et pour ce qui est du genre de takfir qui est dans la parole d'Allah et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, il s'agit d'une mécréance majeure. Al-Qurtubi dit dans son exégèse, Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, et Mujahid, qu'Allah l'ait en miséricorde, avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, rejetant Al-Qur'an, donc c'est le cas de Al-Mustahil, rejetant Al-Qur'an et reniant la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, celui-là est mécréant. Fin de la citation de Ibn Abbas et de Mujahid. Quant à celui qui juge par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre, alors qu'il croit qu'il est désobéissant, mais ce qui le poussa à juger par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre étaient les pots de vin ou des choses similaires, ou bien son inimitié vis-à-vis de la partie accusée, ou encore sa parenté ou son amitié pour la partie accusatrice ou des choses de ce genre, tout cela ne serait pas une mécréance majeure, il serait pécheur désobéissant ayant perpétré une mécréance en deçà d'une mécréance, une injustice en deçà de l'injustice et une perversité en deçà de la perversité. Et c'est Allah qui accorde le succès, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Cheikh Abdelaziz bin Baz en tant que président, Cheikh Abdelrazak Afifi en tant que vice-président, Cheikh Abdullah bin Ghdiyan en tant que membre, et Cheikh Abdullah bin Qaoud en tant que membre aussi. Lisons maintenant le texte arabe d'une deuxième fatwa, toujours de Al-Lajna Al-Da'ima. Al-Su'al: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفرا أكبر وهل تقبل منه أعماله؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافرا كفرا أصغر وظالما ظلما أصغر وفاسقا فسقا أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الأول الصفحة 780 الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا، الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب الرئيس، والشيخ عبد الله بن غديان عضوا. Traduction maintenant de la deuxième fatwa de اللجنة الدائمة du comité permanent en Arabie Saoudite. Voici la question: celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, est-il musulman ou mécréant d'une mécréance majeure? Et est-ce que ses œuvres sont acceptées de lui? La réponse: Allah l'exalté avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Et il avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les injustes. Et il avait dit, et celui qui ne juge pas par ce qu'Allah avait fait descendre, les voici les pervers. Cependant, qu'ils considèrent cela comme étant licite et croient qu'il est permis, sa mécréance est majeure. Remarquons ces conditions. S'ils considèrent cela comme étant licite, jugé par les lois humaines, s'ils considèrent que cela est licite, et croient qu'il est permis, sa mécréance est majeure, son injustice est majeure, et sa perversité est majeure, faisant sortir de religion. Et s'il le commet, c'est-à-dire le jugement par ce qu'Allah n'avait pas fait descendre, et s'il le commet à cause de pot de vin, ou pour un autre dessein, pour un autre objectif, pour un autre dessein, tout en croyant que cela est illicite, interdit, et il est pécheur, et on le considère comme mécréant d'une mécréance mineure, injuste, d'une injustice mineure, et pervers, d'une perversité mineure, qui ne le font pas sortir de religion. Quand les gens de science avaient clarifié cela dans l'exégèse des versets cités, les exégèses des versets cités en début de la fatwa. Le succès ne vient que d'Allah, et que la prière et le salut soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille et compagnons. Volume numéro 1, page 780, et c'était Cheikh Abdelaziz Ibn Baz en tant que président, Cheikh Abdelrazak Afifi en tant que vice-président, et Cheikh Abdullah Ibn Urdayyan en tant que membre. Passons maintenant à quelques commentaires du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et son disciple Ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah, ainsi que des deux imams Ibn Baz et Ibn Uthaymin concernant leurs commentaires du Athar d'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, Ibn Abbas et son père. Lisons d'abord les propos du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en langue arabe. Il avait dit, rahimahullah ta'ala, وَإِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِ السَّلَفِ إِنَّ الْإِنسَانَ يَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَنِفَاقٌ فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِمْ إِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ إِيمَانٌ وَكُفْرٌ لَيْسَ هُوَ الْكُفْرُ الَّذِي يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ. Le musulman ne peut pas joindre la mécréance majeure et l'iman, la foi. C'est impossible. Donc, As-Salaf, c'est pourquoi As-Salaf, ils avaient dit « Innahu yakunu fihi imanun wa kufr » ay al-kufr al-amali, al-kufr al-asghar. Donc, il avait dit, rahimahullah, « Wa idha kana min qawli As-Salaf, inna l'insana yakunu fihi imanun wa nifaq, fa kadhalika fi qawlihim innahu yakunu fihi imanun wa kufr » Aydan, al-nifaq, c'est al-nifaq al-amali qu'ils veulent ici. « Idha kana l'insanu yakunu fihi imanun wa nifaq, fa kadhalika fi qawlihim innahu yakunu fihi imanun wa kufr » ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة الفتاوى لشيخ الإسلام الفتاوى المجلد السابع الصفحة 312 وقال رحمه الله أي شيخ الإسلام وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون والظالمون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري الفتاوى المجلد السابع الصفحة 522 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية كما قاله الصحابة ابن عباس وغيره كفر دون كفر وهذا قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قالوا كفر لا ينقل عن الملة وكفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم الفتاوى المجلد السابع الصفحة 350 Traduction de ces paroles du Cheikh al-Islam رحمه الله تعالى. Il avait dit, et s'il était des paroles de As-Salaf, comme quoi l'homme peut réunir une foi et une hypocrisie, c'est-à-dire l'hypocrisie qui est mineure, l'hypocrisie de Al-Amal. L'homme peut réunir une foi et une hypocrisie. De même, dans leurs expressions qu'il réunit, que l'homme réunit, une foi et une mécréance, une foi et une mécréance, c'est-à-dire la mécréance qui est mineure, l'amalia. Une foi et une mécréance, ce n'est pas une mécréance qui déplace de la religion. Et c'est comme Ibn Abbas et ses compagnons avaient commenté la parole d'Allah Ta'ala. Et celui qui ne juge pas, parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Ils ont dit, Ibn Abbas et ses compagnons, ils ont dit, ils avaient mécru d'une mécréance qui ne fait pas sortir de religion, qui ne fait pas déplacer de la religion. Et ils furent empiétés, donc sur ses pas, et ils furent empiétés et poursuivis dans cette exégèse, dans cette explication. Par qui? Par Ahmed ibn Hanbal et d'autres imams de la Sunna. Fin de la citation de Ibn Taymiyyah, Al-Fatawa al-Mujallad al-Sabi', page 312. Et Cheikh al-Islam avait dit, Ibn Abbas et plus d'un des salafs avaient dit relativement à la parole d'Allah Ta'ala, et celui qui ne juge pas, parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, les pervers, les injustes, ils avaient dit, ils avaient commenté, Ibn Abbas et plus d'un des salafs, ils avaient commenté, c'est une mécréance en deçà de la mécréance, c'est-à-dire majeure, avec grand M. C'est une mécréance en deçà de la mécréance. Une perversité en deçà de la perversité, de la grande perversité, avec grand P, de la perversité. Et une injustice en deçà de l'injustice, l'injustice avec grand I. Et cela fut cité par Ahmed et al-Bukhari. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimallah, avait dit, et il peut être un musulman tout en ayant la mécréance qui est en deçà de la mécréance qui déplace de l'islam. Tout en ayant la mécréance mineure, hein, qui est en deçà de la mécréance qui est majeure et qui fait sortir de l'islam. Donc il avait dit, et il peut être un musulman tout en ayant la mécréance qui est en deçà de la mécréance qui déplace de l'islam totalement. Comme les compagnons avaient dit, Ibn Abbas et d'autres, ils avaient dit quoi? Une mécréance en deçà de la mécréance. Et ceci est la parole de la majorité des salafs. Et c'est ce qu'avait conclu Ahmed ibn Hanbal. Et c'est ce qu'avait conclu Ahmed et d'autres. Comme avait dit Ibn Abbas et ses amis concernant la parole d'Allah et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants, qu'est-ce qu'il avait dit? Ils ont dit, Ibn Abbas et ses amis, c'est-à-dire ses disciples et ses amis, ils ont dit, c'est une mécréance qui ne fait pas déplacer de la religion. Une mécréance en deçà de la mécréance, une perversité en deçà de la perversité, et une injustice en deçà de l'injustice. Fin de citation de Ibn Taymiyyah, Al-Fatawa, volume numéro 7, page 350. Passons maintenant à une parole de Cheikh al-Islam aussi, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Voici le texte d'abord en arabe. Il avait dit, قال Ibn Qayyim, rahimahullah, عن الكفر الأصغر, وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون. قال ابن عباس ليس بكفر ينقل عن الملة بل إذا فعله فهو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء هو كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. المصدر مدارج السالكين المجلد الأول الصفحة 345. Traduction de la parole de Ibn al-Qayyim Jawziyya rahimahullah ta'ala. Il parlait de al-kufr al-asghar, de la mécréance mineure, et il avait dit, et ceci est l'interprétation d'Ibn Abbas et la majorité des compagnons relativement à la parole d'Allah ta'ala. Quelle parole? Traduction du sens du verset. Et celui qui ne juge pas parce qu'Allah avait fait descendre, les voici les mécréants. Fin du fragment du verset. Ibn Abbas avait dit, avait commenté, Ce n'est pas une mécréance qui déplace de la religion. Ce n'est pas une mécréance qui fait sortir de religion. S'il le commet, si l'homme commet ce genre d'axe, s'il le commet, il aura une forme de mécréance, une forme de mécréance qui n'est pas comme celui qui mécroit en Allah et le jour dernier. Et Taous avait dit une chose similaire. Quant à Atta, il avait dit, c'est une mécréance moins que la mécréance. C'est une injustice moins que l'injustice. Et une perversité moins que la perversité. Et voici maintenant une parole de l'imam Abdul Aziz ibn Baz, rahmallah, qui confirme le asar aussi d'Ibn Abbas, radiallahu anhu. قال ابن باز رحمه الله يكون كافرا كفرا أصغرا وظالما ظلما أصغرا وفاسقا فسقا أصغرا كما صح معنى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وجماعة من السلف انتهى من الفتاوى المجلد السادس الصفحة 250. Alors que des gens, des haddadi disent le atar de Ibn Abbas il est faible. C'est toi qui es faible. C'est toi qui es mubtadi', qui es haddadi. Tu veux donc occulter les atars de As-Salaf pour égarer les gens. C'est toi qui es faible. Voici la traduction de la parole de l'imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Il avait dit, il serait mécréant d'une mécréance mineure, injuste d'une injustice mineure et pervers d'une perversité mineure, comme ce sens fut authentifié d'après Ibn Abbas, Mujahid et un groupe des salafs. Fin de la parole de Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Et terminons avec cette parole de Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Voici sa parole en arabe. Voici ce qu'il avait dit. Il avait dit, لكن لما كان هذا لا يرضي هؤلاء المفتونين بالتكفير صاروا يقولون هذا الأثر غير مقبول ولا يصح عن ابن عباس فيقال لهم كيف لا يصح وقد تلقاه من هو أكبر منكم وأفضل وأعلم بالحديث وتقولون لا نقبل فيكفينا أن جهابذة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما تلقوه بالقبول ويتكلمون به وينقلونه فالأثر صحيح. المصدر التعليق على فتنة التكفير للإمام الألباني رحمه الله الصفحة 24 الحاشية رقم 1. Traduction de cette parole de l'imam Mohammed bin Salih al-Uthaymeen رحمه الله. Il avait dit, Consula n'avait pas satisfait ses éprouvés par Al-Takfir. C'est comme s'il parlait de Al-Haddadiyya maintenant, de ces Takfiris qui sont Al-Haddadiyya. Quand cela n'avait pas satisfait ses éprouvés par Al-Takfir, ils s'écrièrent, ceci est un texte inadmissible. Il ne serait pas authentique d'après Ibn Abbas. Il ne serait pas authentique. Il ne serait pas authentique d'après Ibn Abbas. Cheikh Ibn Uthaymeen leur répond, nous leur disons, comment dites-vous qu'il n'est pas authentique, alors qu'il fut agréé de la part de plus grands que vous, meilleurs que vous, et plus savants que vous. Et vous dites, nous n'acceptons pas. Il nous suffit que les érudits comme Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim et d'autres l'avaient admis. Il le cite, c'est savant, il le cite et il le rapporte. Ce texte est donc authentique. Et c'est la fin de ce petit travail. Nas'Allah Azza wa Jal an yahdiya al-ha'irin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.